Un itinéraire bis a pour but de soulager un axe encombré, principalement lors des déplacements saisonniers. Par rapport à l'itinéraire principal qui permet de rejoindre Lyon ou Valence, l'itinéraire bis est normalement beaucoup moins fréquenté. En revanche, s'il ne permet pas de raccourcir un trajet, il offre l'avantage au conducteur d'être plus serein. Ce type de panneau rappelle que l'on suit un itinéraire bis. Réponse A, aider.